qui se dégage un petit peu plus en fin de période. On ira de 19 degrés au littoral, de 22 à très localement 25 degrés sur le sud-est, moyenne de 23 degrés dans le centre. Demain, peu de changements, un temps calme avec quand même des nuages un petit peu plus présents, 20 à 22 degrés sur les hauteurs, 23 dans le centre, 26 en campagne. Par contre, dimanche, arrivée de la pluie avec un vent soutenu, bonne pluie le matin et puis averse et éclaircie l'après-midi, maxima de 17 à 22 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 13h. Et voici les titres du journal de 13h. Le choc, Cat quitte Charleroi en mars prochain. L'entreprise américaine Caterpillar, installée depuis 50 ans à Gosselies, ferme ses portes en mars. 2200 personnes travaillaient encore à Gosselies. De nombreux sous-traitants dépendent aussi de Caterpillar. C'est un véritable séisme social. Pourquoi cette décision ? Politique de réduction des coûts, dit la direction. Possibilité de travailler pour moins cher au Japon, en Chine et aux États-Unis. En attendant, une partie de la production de Charleroi ira à Grenoble. Vous entendrez le directeur financier de Caterpillar dans ce journal. Les syndicats sont furieux. Les réactions politiques fusent aussi. Les responsables politiques fédéraux et régionaux, ainsi que les syndicats, sont réunis en ce moment à Namur. Dans ce journal, on évoquera aussi cet ouragan en Floride et la défaite des Diables hier en match amical. C'est une édition spéciale que Manu Delporte vous présente tout de suite. Bonjour Manu. Le désastre continue à Charleroi, il n'y a rien à faire. Oui, un véritable séisme. Caterpillar annonce la fermeture de son usine de Charleroi. 2200 personnes vont perdre leur emploi. Les dégâts collatéraux s'annoncent très lourds aussi. Les sous-traitants vont forcément casquer. Alors Charleroi, qui devait passer un week-end de fête pour les 350 ans de la création de la ville, vit en ce moment des heures bien noires. Cat, c'était un très gros, si pas le plus gros employeur de la région. Les Carolos, vous l'avez entendu, sont désabusés. Certains sont furieux. Finalement, pas tous si étonnés. Moi, je m'en doutais. Hein. Il y a longtemps qu'ils en parlent. Hein. Mais encore des gens qui n'auront pas de boulot et qu'on ne sera pas recasés. Ils ont tout fait pour. En attendant, ils ont eu de l'argent à la région Wallonne, ils ont eu de l'argent partout et ils s'en vont avec en attendant. C'est un coup dur pour Charleroi. Oui, bien sûr. Hein. Oui. Pour les pertes d'emploi et moralement, hein, on a beau faire tout ce qu'on veut pour relancer la ville et puis il n'y a rien à faire. Hein. C'est la catastrophe pour Charleroi, c'est fini, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. C'est la catastrophe. Pensez jamais ça comme diminution de personnel peut-être bien, mais... C'était un gros fleuron. Hein. Oui, c'était. Maintenant, il n'y a plus rien, c'est mort. C'est malheureux. Hein. Encore des emplois, les sous-traitants aussi qu'il y a. Donc voilà quoi. Très triste. La région s'en va, tout s'en va. Des propos recueillis ce matin à Charleroi par Sarah Devaux. Maxime Paquet, on vous retrouve, vous, sur le site de Caterpillar, reconnaissable entre mille avec cette énorme boule de métal sur le parking. Ces grues, ces pelleuses habituellement aussi stockées sur le parking. C'est vide en ce moment, Maxime ? Oui, c'est très très très calme hein, pour l'instant. Ce matin, on a vu des larmes, des visages fermés, de la colère aussi. Personne ne voulait y croire ici. Et c'est sans doute le pire hein, de ce qu'ils craignaient qui leur est arrivé ce matin. Maintenant, vous l'avez dit, sous l'enseigne Caterpillar, eh bien, c'est le silence, le vide. Les travailleurs ont très vite quitté le site de l'entreprise. Les gigantesques parkings sont vides. C'est du jamais vu. L'entrepôt à ciel ouvert qui contenait les célèbres machines Caterpillar fabriquées ici est vide lui aussi. Une par une, les travailleurs les ont rentrés dans différents hangars. Ils n'ont pas l'intention hein, d'en laisser partir une seule. Ils les chérissaient, hein, ces machines produites à Gosselies, le fruit de leur travail. Ce matin, c'est ça aussi qu'ils voulaient exprimer. Nombreux sont les travailleurs à parler de fin d'une belle entreprise, de travail consciencieux et de haute valeur ajoutée. Tout cela lâché aujourd'hui par le groupe américain. Vous l'aurez compris, hein, le sentiment ici à Caterpillar, pour les travailleurs, c'est aussi celui d'un énorme gâchis. Merci Maxime Paquet, vous étiez sur place avec les moyens techniques de Michel Servet. L'annonce de ce matin en tout cas était très particulière. Salvatore Prestifilippo de la CSC revient sur ce fameux conseil d'entreprise extraordinaire convoqué hier. Conseil d'entreprise à 8h30. Ça s'est passé d'une manière très bizarre pour nous. Il y a un Américain qui est descendu avec une traductrice en nous annonçant que tous les produits partaient. Ils partiraient à partir de... La fermeture commencerait à partir d'avril et finirait au mois de juillet. Très difficile, très dur comme annonce. Très difficile, les gens sont révoltés, hein, parce qu'on entend plein de choses déjà, mais il n'y a pas de ça. Les gens sont très, très, très révoltés, sont très énervés. On tient, ils sont conscients, mais il est sûr qu'on ne va pas se laisser faire là-dessus. La direction espère que les gens vont travailler normalement d'ici le mois d'avril. Mais je crois qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont compris que ça ne se passera pas comme ça. Des propos recueillis ce matin par Mathieu Van Winkel. La question maintenant, c'est pourquoi Caterpillar sortait déjà d'une énorme restructuration en 2013. 1300 travailleurs avaient déjà quitté l'entreprise. Alors la direction annonce aujourd'hui son intention de transférer une partie de la production vers Grenoble, en France. L'information a d'ailleurs été communiquée aux travailleurs français ce matin. Mais il s'agit d'une restructuration globale, un plan de réduction de coûts annoncé déjà il y a un an. Caterpillar veut aussi faire appel à des fournisseurs extérieurs plutôt que de produire des pièces à Gosselies. Mark Thompson, le directeur financier, a détaillé en trois points ce matin les raisons de la décision de la direction. La fermeture du site de Gosselies s'explique par trois raisons principales. Premièrement, la taille du site, c'est très grand. Les coûts pour maintenir un tel site sont énormes. Ensuite, le site de Gosselies n'est pas employé au maximum de ses capacités. Le niveau de capacité est très bas. Et troisièmement, et c'est sans doute la raison la plus importante, c'est que la production du site de Gosselies peut être produite dans d'autres installations avec moins d'investissements dans des pays comme le Japon, la Chine et les États-Unis principalement. Mark Thompson, le directeur financier interrogé par Michel Gasset, traduit par Thomas De Brouckère. On l'a dit, ils viennent de le dire, la direction vient de le dire, Caterpillar, c'est un site très grand, oui, 98 hectares, installé à Charleroi depuis 1965. Caterpillar rythmait littéralement le quotidien industriel de la région. C'est un véritable fleuron, une page qui se tourne, Thomas De Brouckère. C'est dire assez. Quel est l'intérêt pour la région de Charleroi de l'implantation à Gosselies de Caterpillar Belgium. Le 21 octobre 1968, Joseph Jean Merlot prononce ces paroles lors de l'inauguration de Caterpillar à Charleroi. À l'époque, le ministre des Affaires économiques se félicite de cette arrivée alors que les charbonnages ferment l'un après l'autre. C'est le début d'une histoire d'amour-haine entre l'usine et les Carolo. Pendant 50 ans, le site verra sortir grues, pelleteuses et autres bulldozers jaunes et noirs marqués de ces trois lettres C-A-T. En 2007, on construisait 800 machines par mois à Gosselies. Malgré ce rendement, les problèmes vont commencer. Fin 2008, la grande crise financière et économique ébranle les principales économies occidentales. L'année d'après, les commandes s'essoufflent et Gosselies diminue sa production de 75%. Il y a 4 ans, l'espoir. Le groupe confirme un investissement de 150 millions d'euros jusqu'en 2015 pour moderniser les lignes d'assemblage. Nicolas Pouloutnik, l'administrateur délégué de l'époque, se réjouissait. Notre job, c'était de convaincre le groupe qu'investir chez nous, en Wallonie et à Charleroi en particulier, était une alternative crédible. Mais en 2013, le choc, la direction de Caterpillar annonce la suppression de 1400 emplois à Charleroi. 3 ans plus tard, on connaît la suite, Caterpillar se débarrasse de ses 2000 travailleurs, Carolo. Voilà donc pour les raisons de la fermeture. Et maintenant, que peut faire le politique? Les réactions sont unanimes. Ce matin, Olivier Chastel, le Carolo, président du MR, se dit choqué. Il parle de vendredi noir pour Charleroi. Elio Di Rupo, le Hennuyer, parle de catastrophe absolue. Le président du PS parle même de mépris insupportable, mais il demande au Carolo de ne pas baisser les bras. Même son de cloche au CDH où on parle de choc social, de séisme humain, une logique de profit aveugle, dit encore écolo. Alors que peut faire le politique? Eh bien Rudy Hermans, une grosse réunion se tient à Namur en ce moment, vous y êtes? Oui, je suis ici dans la cour intérieure de l'Élysée à Namur où la réunion a débuté vers 12h30 autour de la table des représentants des deux gouvernements, wallon et fédéral. notamment le Premier ministre et le ministre président, Charles Michel et Paul Magnette, les deux ministres de l'Emploi aussi, Chris Peters et Éliane Thilieu, et puis en phase 2, avec eux, les représentants syndicaux, tout le monde, vous l'imaginez, a la mine grave pour cette réunion de crise, pour une réaction rapide et concertée à cette annonce d'une très probable fermeture de Caterpillar. Juste avant cela, nous avons rencontré Paul Magnette, le numéro 1 wallon, qui, je vous le rappelle, est aussi le bourgmestre en titre de Charleroi. Il s'est dit atterré et scandalisé, sur le fond et sur la forme, par cette annonce brutale, faite dans le plus grand mépris, dit-il, à l'égard de travailleurs qui ont fait, je le cite encore, des efforts colossaux ces dernières années. Le ministre-président a aussi convoqué la direction de l'entreprise, d'ailleurs, cet après-midi. Il ne croit pas vraiment, il faut le dire, à une marche arrière, mais il entend vérifier que les procédures ont été respectées et surtout préparées avec le gouvernement fédéral, donc la riposte politique. Quelle en sera la teneur? A-t-elle des chances de limiter la casse sociale? Élément de réponse dans les prochaines heures. Merci Rudy. À Namur, où une réunion se tient entre les ministres fédéraux et régionaux à propos de l'annonce de la fermeture de Caterpillar. 2200 emplois directs, on l'a dit, perdus chez Caterpillar, mais combien en tout? Cediwal, sous-traitant installé à Épinay et Gosselies, fabrique des pièces détachées pour Caterpillar et l'emploi 70 personnes. On annonce aussi ce matin un conseil d'entreprise extraordinaire chez Yusen Logistics à Courcelles, sous-traitant de Caterpillar. En tout, 6000 emplois seraient concernés par cette fermeture selon l'UCM, l'Union des classes moyennes. La FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, appelle de son côté à la mise en place d'une task force. C'est donc l'information du jour, hein, donc l'annonce de la fermeture de Caterpillar, une boîte qui faisait rêver tous les travailleurs, entreprise américaine à qui tout souriait, fabricant de grues, de pelleteuses, elle ferme après 51 ans en Belgique. Je vous propose ce témoignage poignant, celui de Jean-Luc Zizot. Il est ouvrier à Caterpillar depuis 35 ans et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est sous le choc, qu'il ne comprend pas ce qui arrive. J'ai fait toute ma vie là, j'ai tout appris là. Moi, ça fait mal. C'est 35 ans. C'est incroyable. Je ne comprends pas tout ça pour les coûts. Je vous dis, on a diminué les coûts, c'est ça que je ne comprends pas. Si on n'avait pas diminué les coûts, si on se dit, bon, on s'en fout, on travaille, on a le salaire le 15 et le 30. Oui, pour rigoler, le 15 et le 30. Oui, et ça, c'est pour rigoler, mais nous avons tous fait un effort, tous. Vous avez quel âge aujourd'hui? 53 ans. Vous imaginez l'avenir comment avec cette fermeture? À 53 ans, vous savez, bon, moi j'ai 4 enfants, 2 ils sont mariés, une qui est à l'université, qui va aller chercher tout à l'heure. Je pense à elle, ça va être à peine d'examen. Voilà, ça ne va pas être évident non plus. Hein. Moi, voilà, c'est pas enfin, mon cas, c'est pas grave. On est de 3 000 en tout, je veux dire, ainsi avec les près de 5 000, j'ai entendu tout à l'heure. Bon, voilà, il y a beaucoup de cas comme le mien, et pire encore. Jean-Luc Zizot, ouvrier à Caterpillar depuis 35 ans, avec Julie Morel. À l'étranger, en bref, l'ouragan Hermine qui balaye en ce moment le nord-ouest de la Floride. Les vents violents et les fortes précipitations provoquent des dizaines de milliers de coupures de courant en ce moment. 70 000 personnes sont sans courant en Floride et vivent sous un déluge de pluie. Le niveau des eaux pourrait atteindre 3,65 m par endroit. On craint donc des inondations meurtrières. Des centaines d'écoles et d'administrations sont fermées. L'état d'urgence est décrété dans une cinquantaine de comtés. Les services de secours sont en état d'alerte maximale. L'ouragan Katrina, on s'en souvient, avait durement frappé la région il y a 11 ans. La libération aussi de Bilen Ceren, cette Belge d'origine turque, âgée de 24 ans, vient de passer une semaine dans une prison turque. On l'a suspectée de faire partie d'une organisation terroriste. Bilen Ceren était en vacances. Elle n'avait jamais été arrêtée de sa vie et elle n'a toujours pas compris ce qui lui était arrivé. Elle vient en tout cas de vivre une semaine très pénible. On dormait par terre parce qu'on était dans deux mètres carrés, même pas. Donc c'était vraiment un endroit pour une personne. Mais nous, on était trois femmes en détention et on dormait deux personnes par terre, une personne sur un siège comme ça, enfin un long siège comme ça. Que j'ai pu voir mon avocat à partir du quatrième jour. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Est-ce qu'on vous a dit clairement ce qu'on vous reprochait? En fait, on demandait pourquoi on a été arrêté, pourquoi on est mis en garde à vue. On nous disait rien du tout. Même actuellement, je comprends toujours pas pourquoi j'ai été arrêté, pourquoi j'ai été mis en garde à vue, ni mes avocats. Et puis après qu'on est passé, devant le juge, voilà quoi. Il n'y avait pas de souci, parce qu'il n'y avait rien. On est venu en vacances, donc on comprenait pas du tout et on comprend toujours pas pourquoi on a été arrêté, quoi. Bilen Ceylan, qui sera de retour dans quelques jours en Belgique, elle répondait aux questions de Sophie Léonard. Alors ce n'est pas l'actualité sportive qui va nous rebooster le moral aujourd'hui. 0-2, pas fier, hein, nos diables, après la défaite contre l'Espagne hier soir. Le public a même sifflé la prestation des joueurs. Ce matin, les diables ont repris l'entraînement. Il faut dire que mardi, on ne pourra pas se planter contre Chypre. En attendant, les supporters se posent des questions bien légitimes et Thomas Meunier, le bac droit de l'équipe, comprend leurs inquiétudes. Bon, c'est des questions que tout le monde peut se poser. Hein. Même nous, hier, on s'est dit, bon, comment ça a été possible d'être aussi désorganisé, je vais dire, et d'être aussi faible. Ok, c'était l'Espagne en face, c'est quand même pas rien. Maintenant, on a les qualités pour faire face à ce genre d'équipe. Et c'est vrai que parfois, voilà, tu peux te poser des questions, autant joueurs que supporters ou que le staff, sur le comment ce genre de choses peut arriver. Ça fait partie aussi du métier, je vais dire. On va faire ce qu'il faut pour la prochaine fois, j'en suis certain. Interview signée Jérôme Elguers. Et je vous rappelle donc le titre de ce journal. La fermeture annoncée de Caterpillar. L'entreprise employait 2200 personnes à Gosselies. C'est une véritable catastrophe sociale. On en reparle bien sûr dans nos prochaines éditions. Sur la route, il y a des soucis sur le 403, un accident du côté d'Étampouy, Marjorie Bilot. Oui, exactement, il implique plusieurs camions et conséquence, la chaussée est fermée à cet endroit, donc avant le kilomètre 13, il y a 9 km de ralentissement, plus ou moins 40 minutes perdues si vous allez en direction de Bruges. Une déviation est mise en place via la chaussée latérale. Concernant le 19 Bruxelles-Mons, accident aussi à hauteur d'Ureux, avec 3 km de fil en direction de Mons. Sur le 411 Namur, vers Arlon, des travaux à hauteur de l'église sur 4 km vous ralentissent sur 11 km et là vous perdez plus ou moins 50 minutes voire une heure en direction d'Arlon. Et puis pour quitter la Belgique vers la France via le 17 qui vient de Gand, ralentissement sur 5 km avec 35 minutes de retard vers Lille. À gauche, à droite, tout droit, vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et maintenant, on va tenter de souffler un petit peu avec la vie du bon côté avec vous, Sylvie Honoré. On va tenter de rebondir, de lâcher prise. Mais oui, c'est un sujet qu'on avait prévu de faire depuis très longtemps. Et je pense qu'en effet, aujourd'hui, vendredi 2 septembre, plus que jamais, cap sur le lâcher prise. En effet, en cette rentrée, après un journal comme le vôtre et cette information qui nous est tombée dessus, bien entendu. Merci Manu. L'info revient après-midi à 14h. À 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et avec vous tous, bien sûr. J'ai besoin de vous. On a besoin de vous. Avec vous aussi, Geneviève Forêt. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Hein, on va essayer de leur donner une bouffée d'air frais. Oui, on va faire ce qu'on peut. Oui, on va faire ce qu'on peut. Il fait encore beau dehors. On va adopter une positive attitude. Voilà. Pendant 2 heures, essayez peut-être, en effet, de donner peut-être des idées positives, voilà, des idées un peu moins sombres, voilà, dans la tête des gens. Bon, cap sur le lâcher prise en ce vendredi. On va aller même plus loin aujourd'hui. Comment instaurer des rites pour faciliter le lâcher prise depuis la nuit des temps? En effet, l'existence humaine est jalonnée de rites donnant un sens aux événements de la vie. Ce sont des coutumes en quelque sorte qui offrent des moments et des espaces durant lesquels les personnes ont la possibilité de s'arrêter, de se poser, de réfléchir sur les transformations apportées à leur vie. Et la société actuelle, hein, Geneviève Forêt, a de plus en plus tendance à supprimer les rituels, dites-vous. Les enterrements se font de plus en plus en toute intimité. On divorce en deux coups de cuillère à peau. Une naissance est parfois vécue en secret. Un départ à la retraite, oula, on n'en parle pas trop. Sans cérémonie, sans trop de... Voilà, donc c'est vrai que tout ça, ça tombe un peu, voilà, ça tombe un peu dans l'oubli. Pourtant, dites-vous aussi, et c'est important, il permettrait un soutien social plus important, une prise de conscience de la réalité plus effective, dites-vous. Tout à fait. Je crois que les rituels permettent d'afficher un statut. C'est-à-dire qu'avant, on imposait le deuil hein, pendant une durée très très longue. Oui. Là, bon, c'était peut-être un peu abusé d'ailleurs, oui. Mais on était reconnu comme personne en train de souffrir parce qu'on avait perdu un être cher. Et donc, les personnes qu'on rencontrait éprouvaient de la compassion et la marquaient pour nous. On était respectés d'une manière différente. Donc moi, je pense qu'afficher un statut particulier, ça peut être franchement être utile. Mais pas trop non plus. Hein. Il ne faut pas jouer la victime. Vous voyez, quand vous prenez cet exemple, évidemment, de la personne en deuil, oui. Et surtout avant, on va dire, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi passer à autre chose, il faut aussi rebondir. Oui, mais en tout cas, vivre cette transition, ce rite, c'est ça ce que vous dites. Transition, ouais, je crois que le terme est vraiment bien choisi. Passer d'un statut à un autre, avec un petit moment tampon entre les deux statuts. D'accord. Et que ce moment tampon, il soit bien ritualisé. Ritualisé, reconnu et accepté. Reconnu et accepté. Bon, et si nous inventions nos propres rituels pour lâcher prise? Par exemple, pour lâcher prise de regrets tenaces occupant l'esprit en quasi-permanence, on peut pratiquer la cérémonie de la coupe de feu. Vous en parlerez, Geneviève, hein? On écrit sur une feuille de papier tous les regrets que l'on veut laisser derrière soi et puis on dépose ce papier dans une coupe métallique afin d'y mettre le feu. Voilà, ça c'est un rituel parmi d'autres. Venez nous dire si vous avez des rituels. Des rituels, oui. Par exemple, vous m'avez dit, quand vous êtes bien, vous changez vos draps. Oui, quand je suis fière de moi. Quand vous êtes fière de vous. Oui, quand je suis fière de moi, je me récompense et je change mes draps de lit. Je me fais un lit tout frais, magnifique, tout doux. Et je suis récompensée, je suis très contente. Donc si les voisins voient vos draps séchés dehors, notre Geneviève, elle est bien là. Elle a fait quelque chose de bien, elle est fière. Elle a fait quelque chose de bien, elle est fière de vous. Ça peut être bêtement ça, donc venez afficher peut-être ce que vous faites justement quand vous êtes bien, ce que vous faites quand vous n'êtes pas bien. Venez parler de ces rituels, aussi simplistes et naïfs soient-ils, vraiment. 070 23 33 23 SMS 30 63 via la page Facebook de l'émission La vie du bon côté. Voilà, c'est le titre de notre émission et c'est parti. La vie du bon côté. Tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Toutes les blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire. La même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. Et des choses près. C'est plus facile de pointer des doigts. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Qu'il soit celui qu'on chuchote ou celui que l'on crie. Que ce soit son nom qu'il le porte ou qu'il crève anonyme. Qu'il soit de ceux qu'on acclame. De ce qu'on regarde sans voir, qu'il porte la flamme, qu'il s'éteigne seul dans le noir. On est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer les doigts. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer des doigts. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. On est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer des doigts. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. Je suis prêt. sur Viva avec Héréditaire. Et si nous lâchons prise en effet en ce vendredi, le mot lâcher prise est un terme à la mode. C'est vrai qu'on emploie peut-être un peu trop souvent n'importe comment, utilisé un peu à toutes les sauces, pourtant pour parvenir à adopter cette façon de vivre. Cet état d'esprit-là, j'ai envie de dire, il va tout d'abord falloir cesser de lui conférer un pouvoir magique. Voilà, celui de résoudre tous nos problèmes. Et là, on est dans le concret. Et elle vient avec des plans concrets. Vous êtes très cartésienne, hein, tout Geneviève. À fait. Tout à fait. Oui, oui. Quand je vais parler de rituel, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Non. Il n'y a pas de vaudou, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de... Absolument pas. Non, je pas n'ai du pas tout. Ce talent. Non, moi non plus. Moi, j'aime bien aussi les choses très clairement énoncées. Donc, c'est vrai que on va remettre un peu à sa juste place le mot lâcher prise dans quelques instants. Si vous souhaitez nous parler aussi de votre façon à vous de lâcher prise, qu'est-ce que ça sous-entend chez vous? Quels sont peut-être les rituels que vous avez déjà mis en place? Un rituel, bah, oui, la définition du rituel, c'est vraiment un acte, quelque chose qu'on pose, un acte qu'on pose. Tout à fait. Quelque chose, oui. Quand vous changez vos draps, c'est un acte. Tout à fait. Quand vous changez vos draps, c'est un acte parce que vous êtes fier de vous. Vous changez vos draps, voilà. Oui. C'est un truc qui nous appartient. Oui, c'est une action qui nous appartient, qui nous fait du bien. Et qui nous fait du bien. Quelles sont un peu ces actions qui vous font du bien? Ces choses que vous faites ou que vous ne faites plus? Parce qu'il y a des personnes aussi qui le rituel à elles, bah, c'est parce que tous les jours elles font ça. Et bien le jour où elles vont trop bien, on ne va jamais trop bien. Les jours où elles vont bien et les jours où elles vont moins bien, mais voilà, elles changent un petit peu leur quotidien, leurs habitudes. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. 070 23 33 23 SMS 30 63. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Olivier, qu'est-ce que tu fais? J'inspire le quartier. Comment ça? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial, je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Vivacité Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. L'Union Saint-Gilloise joue cette semaine au Stade Roi-Baudouin une rencontre de Proximus League. Fidèles supporters, sympathisants ou tout simplement amateurs de football, n'hésitez pas à venir encourager les unionistes pour ce match capital. Toutes les infos sur www.rusg.be avec le soutien de Viva Bruxelles. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi, 350 ans, le week-end anniversaire des 2, 3 et 4 septembre. Accès exceptionnel à de nombreux sites historiques, dont l'hôtel de ville et son beffroi, les puits sous la place Charles II et la forteresse hollandaise. Réservé à la maison du tourisme au 071 86 14 14. Vivacité La Une présente, ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine. Vivez un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info journeedupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Viva Bruxelles présente... Ça y est, enfin, les plus belles bêtes de l'impro sont de retour à Bruxelles. Venez les observer au bouche à oreille les 1, 2 et 3 septembre. Toutes les infos sur motamo.be. motamo.be. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Geneviève Forêt, les coachs et les conseillères conjugales, et vous tous, bien entendu, en vos titres et fonctions respectives, comme on dit, vous tous qui nous écoutez de plus en plus nombreux et qui allez intervenir sur le sujet d'aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que lâcher prise? C'est vrai, c'est un terme employé par tout le monde, hein, des personnes voilà, emploient peut-être un peu trop vite ce mot-là aussi, sans savoir de quoi il s'agit réellement. Lâcher prise, c'est pas s'en foutre. Hein. Pas du tout, hein, Geneviève. Clairement, c'est pas dire ben, à partir de maintenant, puisqu'on me dit de lâcher prise, je vais me foutre de voilà. Tout, donc clairement je fais plus rien. Quoi. Non, lâcher prise, ça veut dire en fait accepter. Ça veut dire accepter une situation et voir ce qu'on va faire avec. À partir du moment où on n'a pas de prise sur la situation. Mm-hmm. Voilà, Caterpillar, il est en train de craquer, c'est épouvantable, on est tous très tristes, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On est obligé d'accepter. Bon, maintenant, il y a des gens qui vont se battre, ils ont peut-être les moyens de se battre. Mais quand on n'a pas moyen de le faire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va se poser, on va prendre le problème tel qu'il est, on va l'analyser, hein, on va le cadrer, et puis on va dire, ok, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je n'arrête pas de répéter aux participants au coaching de groupe que j'anime sur le lâcher prise, attention, accepter, ce n'est pas renoncer. Si on vous dit, voilà, je suis obligée d'employer des exemples un peu négatifs, évidemment, pour expliquer comment on peut répondre, mais si on vous dit, voilà, vous êtes malade, hein, vous êtes malade, bah, vous avez beau danser sur votre tête, vous tapez la tête au mur, ça ne va rien changer, vous allez toujours être malade. L'accepter, ça ne veut pas dire renoncer, c'est-à-dire que vous allez mettre en place un traitement pour vous en sortir. Mais c'est accepter que la situation, bah, vous ne pouvez pas lutter contre et utiliser votre énergie à plutôt à des fins positives plutôt qu'à une lutte infertile. Oui, c'est ça, c'est énergie, ne pas en effet rester dans la victimisation, rester dans l'apitoiement, en effet, même s'il y a une période obligé un peu, hein, ça c'est sûr aussi, on ne peut pas non plus rebondir, il y a des personnes qui rebondissent un peu plus tard que d'autres, c'est difficile, hein, donc il y a une période de transition malgré tout qui s'installe. Hein. Oui, mais la période ça peut être celle de l'acceptation, Mais là on met des places, dans la période de transition, on met des choses en place alors à ce moment-là. C'est profiter de cette période-là. Je suis entre deux, je sais que je vais aller vers autre chose, je sais que je vais aller, quel que soit l'exemple, je dois aller vers autre chose, c'est comme ça. Mais bon, je suis encore dans la colère, Bon, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Il faut évidemment accepter qu'on est dans un état compliqué. Hein. Quand on parle de profiter de l'instant présent, les gens me disent, oui, mais il y a des instants présents qui sont douloureux. Hein. Effectivement, c'est pas toujours évident. Mais il faut accepter aussi qu'on vit des moments parfois douloureux. Alors, comment on les accepte? En fait, on parle beaucoup de l'enfant intérieur, mais il faut se comporter avec nous-mêmes comme si on était un parent gentil avec quelqu'un à consoler. Voilà, je souffre, j'ai mal, c'est normal. C'est normal, il faut l'accepter et se dire, qu'est-ce que je ferais à mon enfant ou alors à mon meilleur ami quand il est dans cet état-là. Il faut accepter de pleurer, il faut accepter d'être en colère et qu'elle est tout à fait normale, mais il va falloir la faire sortir pour pouvoir rebondir. Ouais, vous avez raison de le dire, parce que souvent on est fait très très bon conseiller pour les autres et très mauvais pour soi. Ça, c'est... Exactement. Et bon, là, il va vraiment être important de savoir s'écouter. Le lâcher-prise, c'est vraiment ça. D'ailleurs, les maîtres yogis, quand ils parlent du lâcher-prise, ils disent vraiment déposez vos tensions à côté de vous et puis agissez. C'est vraiment ça, de lâcher prise. Sortez-les, quoi. Déposez-les à côté de vous. Prenez, vous les mettez à côté de vous, et puis en étant plus calme, vous allez avoir des solutions créatives. Bon, et les rituels dans tout ça, c'est un peu les solutions créatives. C'est un peu ça, les rituels. Bon, déjà la coupe de feu, la coupe, comment est-ce qu'on appelle la coupe de feu, c'est ça? Donc, la cérémonie de la coupe de feu. C'est pas un rituel que moi j'utilise, mais bon, voilà. Il existe. En fait, on parle de ça parfois pour les divorces. Pour accepter, pour passer du statut de personne mariée au statut de personne divorcée, parfois d'enfant de couple marié à enfant de divorcé. En fait, l'écriture, moi je demande beaucoup aux personnes qui viennent me voir de pratiquer l'écriture thérapeutique. C'est-à-dire que plutôt que tout garder, parfois on n'a pas envie d'en parler, poser les mots. Poser les mots, écrivez, balancez tout ce que vous avez à balancer. Il y a des personnes qui font des lettres de 10 lignes. Il y en a d'autres qui m'amènent parfois des lettres de 50 pages. Mais videz vraiment. Ils ont besoin. Videz votre petit sac à dos rempli de pierres bien lourdes. Vous le videz sur le papier. Et puis, effectivement, vous avez le choix. Ou bien l'écrit thérapeutique, vous pouvez le refiler à la personne à qui il est destiné. En vous posant la question, est-ce que ça va être utile? Ou si vous n'avez pas l'occasion de le faire, parce que ça va peut-être justement remettre de l'huile sur le feu, ou peut-être que la personne n'est plus là pour encaisser ce que vous avez à lui dire. Mais il faut détruire en fait tout ça, parce que vous l'avez sorti de vous, ça n'a plus rien à faire en vous. Donc visualiser le fait que vous détruisez ce document, ça ne peut que vous faire du bien et vous alléger. J'ai envie de demander à des personnes s'ils l'ont déjà fait. Voilà, si vous avez déjà fait un peu un rituel ce genre-là, voilà, si vous avez déjà écrit, si vous avez déjà détruit cet écrit, si vous avez déjà mis sur papier des choses fortes que vous vouliez extérioriser de vous. 070 23 33 23 et SMS 30 63. Cet été, changez de véhicule tout en conservant votre budget vacances. Profitez de conditions Summer Days chez Peugeot Bruxelles sur plus de 900 véhicules d'occasion et de direction disponibles immédiatement.

Cherish, ça met un peu de la douceur dans le climat actuel. Notre émission s'appelle La vie du bon côté. On a envie vraiment de parler du lâcher prise en cette rentrée, en ce vendredi, d'aller plus loin, de parler vraiment des rituels, des rites pour faciliter le lâcher prise. Corinne nous dit sur la page Facebook, super sympa de vous entendre à nouveau. Pour moi, le lâcher prise, c'est peut-être, c'est peu importe ce qui m'arrive, je me dis qu'il y a toujours du bon, même dans les mauvaises choses. Merci pour votre émission. Elle demande quand même, Corinne, comment peut-on voir briller toutes les facettes d'un diamant si nous le tenons fermement. Ah oui, comment peut-on voir briller tout le tasse d'un diamant si nous le tenons fermement? Oui, c'est symbolique. Belle ça. Image, oui. Oui, belle image. Mm-hmm. Belle image, absolument. Absolument. Les raisons. Corinne, c'est marrant parce qu'on va parler en plus du diamant intérieur la semaine prochaine avec Jean-Marie Muller qui est suisse et qui vient en Belgique. Et hop, on l'a chopé pour la voir en émission. 070 23 33 23, SMS 3063. C'est Nathalie dans quelques instants qui nous dit oh, j'ai déjà fait ça moi, Sylvie. Écrire et voilà, où j'avais besoin de dire tout ce que j'avais sur le cœur vis-à-vis d'une collègue. Donc elle viendra nous en parler. Nathalie, qu'est-ce que ça lui a fait finalement de faire ça? 30,63 pour vos messages, 50 centimes par message. Et oui, la fête continue chez AJD Caravane et Motorhome à Neupré. Vous êtes invités aux portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Vous pouvez découvrir les premiers modèles 2017 dans notre nouveau showroom. Vous profitez bien sûr de nos conditions spéciales 50e anniversaire. AJD vous propose aussi des derniers modèles 2016 à prix fou. En plus, nous vous proposons des promos anniversaires sur tous nos véhicules d'occasion. AJD Caravane et Motorhome, route du Condro à Neupré. Portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Plus d'infos sur AJD.be. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. J'adore le soleil, j'adore comme il nous invite à profiter du jardin. Et j'adore surtout comment mes châssis Bellisol gardent bien dehors le bruit infernal de la tondeuse. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où? Il est où le bonheur? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Take it easy. Simplicité sur toute la ligne. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi? Elle ira plus vite. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez jusqu'à 230€ sur l'avenir.net/rentrée. La vie du bon côté sur Vivacité. Le lâcher prise, accepter, c'est pas renoncer. Lâcher prise, c'est pas s'en foutre. Ça vous l'avez dit, hein. Lâcher prise, bien entendu, c'est mettre en place des choses, c'est acter des choses, c'est rebondir, oui. C'est utiliser son énergie, accepter. Utiliser cette énergie-là malgré tout pour rebondir. Vous avez parlé du rite, enfin du rituel, le fait d'écrire une lettre. Vous l'avez fait, Nathalie. Bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà. Vis-à-vis d'une collègue, vous avez écrit une lettre. Tout ce que vous aviez sur le cœur, vous avez écrit ça. Voilà. Et après? C'est ça, parce que disons qu'il y a une situation de harcèlement en fait, qui a duré des années. Je ne savais pas trop quoi faire. Ça s'est fort détérioré très vite. Et finalement, je me suis dit, je suis venue à une phase où je voulais un peu mettre de l'ordre dans ma vie, m'alléger un peu de certaines choses, essayer de pardonner un petit peu aussi aux gens autour de moi. Je me suis dit, je vais m'attaquer à ce gros morceau-là. Mmh. Et j'ai une collègue sophrologue qui m'a dit si t'essayais d'écrire une lettre. Parce que je m'étais dit au départ, je vais commencer d'abord à la regarder parce qu'on ne se regardait plus. Bon, ça, j'ai réussi à faire. Et puis, malgré tout, c'était des regards encore assez... froid hein, et méchant, on va dire. Puis je me dis, lui parler, ça, j'y arriverai pas. Alors, ben, j'ai écrit la lettre. Mmh. Et là, j'ai écrit tout ce que j'avais sur le cœur. Mmh. J'ai compris qu'une personne qui peut faire du tort à d'autres, c'est parce qu'elle est mal elle-même. Ça, j'ai bien compris. Donc, j'ai écrit dans ma lettre que ben, je lui pardonnais tout ça, que je lui demandais pardon pour ce que j'avais pu aussi faire dans cette situation. Et puis, j'ai déchiré la lettre. Donc au moins, je me suis dit, ben, j'ai fait ma part du chemin. Après, je ne peux pas aller au-delà, je crois. Je ne peux pas lui imposer de parler avec moi si elle ne veut pas. Mais là, ben, c'était le seul moyen pour moi de me décharger de ça. Voilà. Oui. Et ça vous a fait du bien ? Oui, ça m'a fait du bien parce qu'au moins, j'ai fait ce que moi, je pouvais faire. Mmh, oui, au-delà, pour l'instant, je ne peux pas, en fait. Oui, oui, oui. Mais vous abordez un sujet hyper intéressant, hein, c'est le pardon. Effectivement, lâcher prise. Ça va encore bien au-delà. Hein. Voilà, ouais, ça c'est sûr. Lâcher prise, c'est aussi arriver à pardonner. Et là, parfois, quand je dis des choses pareilles, je soulève des tollés. Hein. mais en fait, je rappelle que pardonner, ce n'est pas nécessairement se réconcilier. Mais comme vous l'avez dit, Nathalie, pardonner, ça veut dire aussi déposer une tension à côté de soi et dire voilà, ben, je comprends que tu aies pu faire quelque chose de douloureux, que tu m'aies offensé. Hein, j'accepte en fait que tu m'aies offensé. Ça, c'est une grande partie du pardon. Et effectivement, ça a dû alléger votre existence. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Et puis, je me dis, au moins, j'ai agi. J'ai fait ce que je pouvais faire. Tout à fait. Actuellement, peut-être que je pourrais aller plus loin plus tard, mais pour l'instant, j'ai au moins agi. Oui, oui, c'est ça. C'est un geste, quoi. Encore une fois, c'est pas ça qui va aller jusqu'au bout. Le lâcher prise ou ce rituel, Geneviève, c'est pas ce qui va vous permettre de, avec la personne. De réconcilier, donc comme vous dites, c'est pas de la réconciliation, non, c'est simplement un geste. Oui, c'est du pardon, c'est un geste pour soi, c'est déposer. Quoi. Pardonner, c'est un cadeau qu'on se fait. Hein. Je le dis aussi aux gens, quand vous ne pardonnez pas, je peux comprendre qu'il y a des situations tellement compliquées qu'on n'a pas envie de pardonner à quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal, mais quand on ne pardonne pas, on reste accroché à l'événement douloureux et à la personne qui nous a fait du mal. Pardonner, c'est couper le lien. Tout à fait. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oui, ça fait aussi du mal. Oui. Et en parlant de couper le lien, il y a aussi un autre rituel dont on parle beaucoup, c'est les bonhommes allumettes. Oui, hein, tout à fait. C'est ça, c'est relié en gros, mais bon, il y a toute une technique à suivre, bien sûr. Dessiner grossièrement, on va dire, deux bonhommes, les relier à des endroits bien précis. Oui, hein, les relier, tout à fait. Voilà. Et puis c'est couper, c'est découper. Oui, oui. Et moi, je fais même ça d'une manière beaucoup moins compliquée. Hein. On parle de petits bonshommes comme ça quand il y a des relations toxiques entre deux personnes. Donc vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est un peu ce qu'on appelle un vampire affectif, donc quelqu'un qui vous prend toute votre énergie, et vous n'arrivez pas à vous séparer de la personne qui vous fait du mal. Donc, moi, je prône beaucoup la visualisation pour se persuader que quelque chose est bon pour soi. Donc, dessinez ces deux petits bonshommes, vous mettez votre nom sur un, vous le faites tout beau, tant qu'à faire, c'est vous. Hein. Bon, dessinez un autre un peu moche, très l'autre. Hein, voilà. Très, très laid. Voilà, reliez-les. mais moi, comme je vous l'ai dit, je suis très cartésienne, donc je ne discute absolument pas de la théorie des chakras, absolument pas. Mais moi, je ne passe pas mon temps à relier les chakras, je les connais trop mal. Donc, je fais un lien entre les deux, et puis je coupe ce lien, en fait. D'accord. Donc, je visualise que je coupe, en fait, je refuse l'emprise de l'autre sur moi. C'est terminé. Il n'y a plus de codépendance entre nous. Je coupe le lien. Et qu'est-ce que vous faites de celui qui est coupé? Le très laid. Mais j'ai entendu tout à l'heure que vous piquiez dans les yeux. Non, mais je vous ai dit, antenne, je dis ça, mais je ne le ferai jamais. Je ne ferai jamais un truc pareil. Je vous l'ai dit. Hein. C'est vrai, vous m'avez dit que vous aviez trop peur qu'il se passe quelque chose. Non, je ne ferai jamais ça. Non, je ne pourrais pas. Mais tout simplement, moi, je ne passe pas mon temps à le découper, à le déchirer, à le brûler. Hein? Non, absolument pas. Tout simplement, je le jette parce qu'il ne fait plus partie de ma vie. Poubelle. Voilà, poubelle à papier. Poubelle à papier. Parce Tant qu'on y est, poubelle à papier. Merci Nathalie pour votre intervention. 070 23 33 23. SMS 30 63. Bon non, je mettrai poubelle avec les pommes de terre et les pelures et tout ça, quoi. Ah oui, pour qu'ils pourrissent, quoi. Oui. D'accord, pourquoi pas. Non, je plaisante. Parce qu'après, on va croire vraiment que je dis la vérité. Je plaisante. Voilà, si souffle avec Mi Amor. Ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, tous ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi. Et ça m'a fait grandir, j'en perds ma taille. Et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. Derrière elle, son doux parfum me guide. Et j'aimerais t'entendre assez. Tu me dis que ce n'est pas assez. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Lâcher prise. On en parle ce vendredi avec Geneviève Forêt, elle est coach de vie, elle est conseillère conjugale. On lâchera un petit peu prise aussi dans les deux journées, je vous en ai parlé, que j'organiserai avec Julie Arcoulin au profit de Cap 48. Deux journées d'atelier, donc une à Mons, une à Liège, le 30 septembre à Mons et le 6 octobre à Liège. Et quatre spécialistes viendront justement vous coacher en direct. Voilà, il y aura une émission en direct aussi, donc c'est ce qui se passe tous les jours. Est-ce que vous écoutez entre 13h et 15h? Ce sera une émission, une grande émission en direct avec tout le monde. Et puis les quatre spécialistes de talent interviendront auprès de vous. Voilà, ce seront des groupes de 30 personnes qu'on a vraiment envie de mettre sur pied. Donc à Mons le 30 septembre et une grande soirée conférence à Liège, à Médiacité le 6 octobre avec les quatre spécialistes aussi, les quatre formateurs. Et si vous voulez vous inscrire, donc vous m'envoyez un SMS. Attention parce que parfois vous envoyez des SMS à d'autres heures et donc je ne les vois pas. Donc revenez vraiment surtout en émission entre 13h et 15h si vous souhaitez que je vous envoie le programme, donc SMS 3063 ou via la page Facebook ou via l'adresse mail la vie du bon côté en un mot @rtbf.be. Voilà, comme ça je peux vous envoyer un programme bien détaillé et sachez que vous serez pris vraiment en charge, c'est pas bien en charge, vous serez pris en main. On va vous faire du bien, ça va être l'occasion. Mais voilà. du début à la fin, parce qu'on va même vous restaurer avec des produits locaux. Ah bah oui, super. Grâce à la PAC-W, donc voilà, qui joue franco avec nous. Et c'est tout ça au profit de Cap 48. Donc vraiment, inscrivez-vous avant qu'il ne soit trop tard, 30 septembre, donc c'est dans moins d'un mois. Voilà, 48 euros, c'est un prix symbolique. Bon, si vous souhaitez intervenir sur le lâcher prise, aujourd'hui 070 23 33 23 ou par SMS, encore et toujours 30 63. Au troisième top, il sera 13h33. Yep, hop, hop, hop, hop, fini de dormir debout. Allez, courage, c'est bientôt fini. Mais non, je rigole, encore 3 heures à tenir le coup. L'anti-coup de mou, c'est Nalou. Le circuit de Spa-Francorchamps, un lieu mythique pour se retrouver en famille, avec des amis ou entre collègues, et vivre ensemble des sensations inoubliables. Participez à notre baptême de piste et prenez d'assaut le célèbre Raidillon. Deux tours aux côtés d'un de nos pilotes et deux tours soi-même au volant de sa propre voiture en toute sécurité. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9 euros avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace.

Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. C'est la rentrée, mais on est encore de sortie. Nous vous attendons samedi au pied des éoliennes de Perouet, dans le Brabant Wallon. Nous aurons toute la place pour pédaler entre le domaine viticole de Melmont, le prieuré de Malève-Sainte-Marie-Ouestine et Torrombelle-et-Béguines. À l'arrivée, juste avant l'apérobique, le grand retour des Charlots. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Excellent après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Et voici le flash de la rédaction, présenté par Yasmina Favaro. Bonjour à tous. La fête sera amère ce week-end pour les 350 ans de Charleroi. Caterpillar à Gosly ferme ses portes. 2200 travailleurs de cette usine d'engins de chantier se retrouvent donc sans emploi. Une annonce surprise pour tous, travailleurs mais aussi sous-traitants. En tout, ce sont 6000 postes qui sont touchés par cette fermeture si l'on compte les entreprises sous-traitantes dont Caterpillar est le client principal. Le groupe américain va délocaliser les activités du site dans d'autres pays, la France, mais aussi hors Europe, au Japon, en Chine et aux États-Unis. Là où les coûts de production et d'investissement sont moins importants que chez nous. C'est la raison principale évoquée par le directeur financier du groupe. La procédure Renault est à présent lancée. On entre donc maintenant dans la phase d'information et de consultation avec les partenaires sociaux, donc les syndicats notamment. Alors depuis ce matin, c'est donc le choc, la tristesse et le désarroi pour toute une région. Caterpillar qui quitte Gosly, un fleuron de l'industrie présent dans la région depuis 1965. Côté politique, ça provoque pas mal de réactions. C'est un choc, un scandale, un drame, une catastrophe sociale inacceptable. Tous les partis dénoncent cette décision. Surtout que Caterpillar avait connu une restructuration il y a 3 ans avec 1400 emplois perdus. Les pouvoirs publics avaient alors investi pour aider au reclassement des travailleurs et au maintien de l'activité à Gosly. Du coup, depuis ce matin, plusieurs réunions se sont tenues dans l'urgence, notamment à Namur, à l'Élysette, Paul Magnette, le président de la région Wallonne et bourgmestre en titre de Charleroi, réunit en ce moment certains de ses ministres, mais aussi le fédéral avec Charles Michel, le Premier ministre, et Chris Peters, le ministre de l'économie, et bien sûr les syndicats de Caterpillar. Écoutez Paul Magnette juste avant le début de cette réunion. On est en réunion de crise même depuis hier soir, puisqu'on a appris hier soir qu'il y aurait un conseil d'entreprise ce matin. On craignait le pire, et malheureusement le pire a été confirmé avec une brutalité absolument insensée d'un dirigeant de Caterpillar venu des États-Unis qui a lu son communiqué de presse en anglais sans la moindre considération, sans la moindre information préalable et sans le moindre dialogue avec les représentants des travailleurs. Donc il y a là l'exemple même du mépris d'une grande multinationale pour les travailleurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la prospérité de cette entreprise. On va, je le répète, de se battre, on ne va pas se laisser faire, on va utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour défendre ces travailleurs. Vous avez des possibilités effectivement de lutter ? Il y a d'abord les procédures, il y a des procédures dans le cas de licenciement collectif. Aujourd'hui, le groupe Caterpillar utilise encore le conditionnel, mais on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Et donc on va vérifier que toutes les procédures ont été respectées, engager les meilleurs avocats et se battre par tous les moyens légaux pour défendre nos intérêts et ceux des travailleurs. Paul Magnette au micro d'Hugues Angot. Et vous le savez, donc Charleroi fête ce week-end ses 350 ans. La ville a annoncé que les festivités étaient maintenues, trop tard pour les annuler. Un week-end de festif qui va se tenir dans la sobriété et qui est dédié aux travailleurs de Caterpillar et à leurs familles. Dans le reste de l'actualité, Bilen Ceren est libérée en Turquie. Cette Belge de 24 ans d'origine turque et militante de gauche avait été arrêtée la semaine dernière pendant ses vacances. Elle était accusée de faire partie d'une organisation terroriste selon la Turquie. Nous avons pu la contacter. Elle se dit soulagée mais ne comprend toujours pas ce qu'on lui reprochait. Elle devrait rentrer en Belgique dans les prochains jours. Aux États-Unis, l'ouragan Hermine a touché le nord-ouest de la Floride. Ses vents violents et ses fortes précipitations provoque des dizaines de milliers de coupures de courant ainsi que d'importantes inondations. Plusieurs milliers de personnes doivent d'ailleurs évacuer leur maison par prudence car la tempête se renforce et les eaux pourraient monter de plus de 3,5 m. La météo, un temps sec pour cet après-midi avec un ciel partagé entre soleil et nuages. Quelques averses sont aussi à craindre en soirée. Pour les températures, elles seront comprises entre 20 et 25 degrés. RTBF Mobile Info, il y a plusieurs accidents sur la route Marjorie Bilot. Oui, oui, Yasmina, exactement. Entre autres, une chaussée fermée sur le 403 Tournée-Bruges, toujours à Étain-Puits, avec 8 km de bouchons en amont. Une déviation est évidemment mise en place si vous allez vers Bruges. La circulation se fait via la chaussée latérale. Et puis sur le 19 Bruxelles-Mons, suite à un accident à Lheureux, eh bien la circulation est aussi ralentie sur cette 19 vers Mons. Et il y a des répercussions aussi sur le 42 qui vient de Namur à partir de Manage, sur 6 km. Accident aussi sur le ring N3 de Charleroi à Marcinelle, en voie de gauche vers Gouy. Beaucoup aussi de ralentissements sur le 411 Namur vers Arlon suite à des travaux à l'église. 12 km de ralentissement à partir de Neuchâteau et plus ou moins 30-40 minutes perdues si vous descendez vers Arlon. Et du côté de la province de Liège, nous avons sur la 600 de Chesnay-Lancin, suite à un accident impliquant deux camions de l'armée à Val-Benoît, eh bien la bretelle d'accès numéro 37 est fermée vers Loncin. Et à l'instant, on me signale sur la N25 Corbet-Nivelles, un chien errant peu après Cours-Saint-Étienne vers Nivelles ou vers Corbet. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. La vie du bon côté, c'est jusqu'à 15h sur Vivacité, toujours avec Sylvie Honoré. Merci Yasmine, l'info revient à la fin de l'émission, à 15h. Le beau vélo de Ravel. La rentrée est passée, la rentrée est toujours en cours malgré tout, nous ne sommes jamais que le 2 septembre. Le beau vélo de Ravel continue à craputer à vélo à travers crapahuter. Pourquoi j'ai dit ce mot-là? Continue à rouler à vélo à travers la Wallonie. Demain, c'est à Pérouet, en Brabant wallon. Vous pourrez rejoindre toute l'équipe pour une série d'activités d'animation tout au long de la journée. Bon, détail de cette dernière avec Adrien. Oui, quand on dit dernière, c'est pas la dernière. Décidément, j'emploie pas les bons mots. Détail de l'étape de demain avec Adrien Jovenot et son collègue Francis Hubin. Bonjour à toutes et à tous, Francis Hubin. Nous sommes ici au camp de base du beau vélo de Ravel. On est entouré d'éoliennes, c'est beau, hein ? Oui, nous sommes à Pérouet, près du Hall Omnisport, où nous avons installé toute l'intendance du beau vélo de Ravel. Et nous attendons tous les ravelistes dès demain, 9h30, pour l'accueil, inscription libre et gratuite. Pour les 2000 premiers inscrits, un brunch. Et pour les 1200 premiers, le t-shirt du beau vélo de Ravel. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont là avec des mobilhomes qui sont installés ici. Il y a de l'espace, hein, c'est une des communes les moins peuplées du Brabant wallon. On pourra déjà aujourd'hui à 16h faire la répétition de l'émission, un petit repérage du circuit. On va vérifier si tout est toujours bien en place. À Melmont avec son domaine viticole, à Malève, Sainte-Marie-Ouastine avec le prieuré, et puis tous ces champs autour de Torrembel et les Béguines. Puis demain, là c'est le jour J, hein, on y va, 9h le brunch, 13h la balade avec tout le monde, et puis 16h, ça va être très drôle, le concert des Charlots. Oui. Oui, ce sont les vrais Charlots. Hein. Les vrais, oui. Les vrais. Ni vous ni moi, mais d'autres Charlots avec des musiciens, l'apérobique, tous les grands classiques des Charlots. Demain, à vivre en direct sur Vivacité à partir de 13h. On vous souhaite un très très bon début de week-end et à demain, les amis. À demain, bien entendu, messieurs. Pour avoir encore plus d'infos sur l'événement, rendez-vous sur le site de vivacité.be. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité. La vie du bon côté. Avec Geneviève Forêt, les coachs de vie et les conseillères conjugales, elle organisera en plus un séminaire de groupe sur le lâcher prise. Mmh, oui, le 9 octobre. Mais c'est presque plein. Il me reste une place, je crois, mais j'en refais le 20 novembre. Et là, je n'ai pas encore lancé les invitations. C'est où ? En fait, parce que j'en ai fait à Liège, mais finalement, les gens préfèrent à mai, question de parking, question de facilité. Et comme c'est près de chez moi, tant qu'à faire, on fait plaisir à tout le monde. Vous allez à vélo, en parlant du beau de Ravel. Oui, c'est une belle façon, c'est un bon rituel aussi, hein, pour laisser passer un peu rouler à vélo. Oh oui, mais le sport en général. En pleine nature, hein. Bah oui, de toute façon, la balade, de toute façon, en pleine nature. On vient d'en parler hors antenne, aussi quelque chose qu'on oublie, et pourtant qui est là en nous, c'est la respiration. Oui. Le rituel respiration. Oui, oui. Quand quelque chose nous obsède, quand quelque chose nous énerve, quand on sent que la soupape va exploser. Oui. C'est un peu ça aussi. On le fait spontanément, hein, vous venez de le faire. Quand il y a quelque chose qui nous agace, ou alors quand on est soulagé, on va faire... c'est fait. Donc spontanément on le fait, mais on ne se sert plus de la respiration comme on le faisait quand on était bébé. Quand on naît, on pratique la respiration abdominale, hein, d'office. Les animaux le font aussi. Quand vous regardez respirer un chien ou un chat, vous voyez son ventre qui bouge beaucoup, le nôtre il bouge plus du tout. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres fainéants de nature. Donc on ne fait plus que remplir nos poumons et on ne fait pas aller notre respiration jusque dans le ventre. Et pratiquer la respiration abdominale, donc faire venir vraiment l'air dans vos poumons, sinon vous mourrez, donc tant qu'à faire autant les remplir, et puis dans le ventre, et puis tout relâcher, mais vraiment tout. Moi, je mets mon doigt en dessous de mon nez pour être sûr que j'ai plus d'air dans le corps. Donc là, j'en ai plus, puis j'en reprends, j'en fais 3. Et je vous garantis sur facture que mes émotions, elles s'apaisent. En fait, vous remettez votre cerveau limbique à sa juste place en respirant. C'est fou, hein? Oui. C'est fou parce que voilà, des personnes qui croient ou qui n'y croient pas à ces rituels en disant ouais, je vais pas commencer à écrire bêtement la respiration. Quoi. Tout voilà, à fait, ouais. Tout à fait bêtement, mais pas tellement. Hein, parce non, que pas c'est quand tellement. Même, mais non, mais on n'y pense pas. Oui. Je veux dire, c'est là, voilà. C'est là en nous. Oui. On n'a qu'à mettre le nez dessus. Il y a qu'un. Il faut 21 jours pour créer un nouveau réflexe hein, dans la tête, donc une nouvelle connexion neuronale. Donc pendant 21 jours, forcez-vous à respirer d'une manière abdominale deux fois par jour, trois respirations. Ça va vous prendre trois minutes, quoi. Et vous verrez qu'au bout de trois semaines, vous allez être beaucoup plus calme et plus serein parce que ça relâche les tensions. C'est hyper utile. 070 23 33 23 SMS 3063, 50 centimes le message. Si vous souhaitez avec nous parler de ces rituels que vous avez mis en place peut-être pour lâcher prise, pour vous débarrasser d'un flot toxique de choses. On en parle après Kenji Girac. C'est une façon de voir la vie un peu plus grand qu'un pays. Un destin, un regard. C'est de la musique et des cris. Un pour tous et tous réunis. Un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor. Color gitano. Ma raison, mes valeurs. Ma maison, ma couleur. Color gitano. Gitano. El color de mi cielo, gitano, le cœur qui va sur ma peau, gitano, el color de mi cielo, gitano, le cœur qui va sur ma peau, c'est des guitares des nuits sans fin. Les mots chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano. El color de mi cielo, gitano, la cœur qui va sur ma peau, gitano, el color de mi cielo, gitano, la cœur qui va sur ma peau, Color Gitano, Kenji Girac sur Viva, les rituels, donc rituel de la respiration, rituel de la lettre que l'on écrit et que l'on détruit, rituel que l'on fait aussi, que l'on met en place avec les enfants. Il y en a aussi, hein, ça, Geneviève. Oui, on n'y pense pas toujours, mais on a des petits rituels. J'étais en train de vous expliquer ouais, en antenne. Oui, c'est pour ça que je vous en fais parler. Que mon fils, qui a 29 ans aujourd'hui, bon anniversaire, quand il était petit et qu'il n'était pas bien, je lui disais, je vais te faire une purée de malade. Donc, je prenais une pomme de terre que j'écrasais très finement avec du beurre, etc., un truc très fluide, et je lui disais, tu vois, c'est comme un médicament. Et du coup, quand il le mangeait, il se sentait beaucoup mieux. Hmm. Donc, dès qu'il était... Parfois, il voulait être malade pour avoir de la purée de malade. Quoi. Et tout ça, ce sont des petits rituels. Comme raconter une histoire avant d'aller dormir, c'est passer d'un statut à un autre. Du statut éveillé au statut de dodo. C'est un rituel. Bon, ici, on parle vraiment des rituels pour lâcher prise. Mais enfin, c'est une façon de lâcher prise tout sur la journée fait. Aussi. Bien hein. entendu, oui, oui. Le fait de la petite histoire avant dodo, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est un moyen de passer d'un moment à un autre qui est très différent. Parce que c'est ça, le lâcher prise, pour ceux et celles qui prennent l'émission en direct, en cours de route. Le lâcher prise, c'est ça, c'est passer d'une énergie à une autre, d'un moment à une autre. Oui, entre autres. Un autre. Entre autres. Hein, oui. C'est surtout et avant tout arrêter de lutter contre contre quoi on ne peut pas lutter, contre l'inexorable. En fait, c'est vraiment ça, lâcher prise. Quand je dis d'un moment à l'autre, c'est un moment en effet qui se termine. Voilà. C'est l'annonce de quelque chose qui termine un moment. Voilà. Et passer dans. Voilà. Dans une autre phase. J'arrête pas de le dire aussi. Hein. Le passé, il est mort. Le futur, il n'est pas encore là. Mais là maintenant, quand on parle à toutes les deux, on est vraiment dans un moment M, très chouette pour moi. Merci encore. Et voilà, c'est vraiment se réapproprier les moments qu'on vit, accepter qu'on ne serait pas retourné en arrière. Il y a des gens qui vivent dans la mélancolie et la nostalgie. C'est extrêmement douloureux. C'est là-dedans qu'on retrouve les dépressifs, d'ailleurs. Hein, donc, les gens qui vivent souvent dans un passé douloureux. Mais là, bon, voilà, c'est aller vers le meilleur, profiter du bon, préparer le futur et... C'est très bien. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous parle ? 070 23 33 23. SMS 30 63. Quels sont peut-être les rituels ? Donc, ces moments-là que vous avez mis en place, peut-être vous aussi, pour vous faire du bien, tout simplement du bien, à vous et surtout à vous. Venez prendre la parole à ce sujet. Viva ! Ce dimanche, Vivacité est en concert. De 18h à 20h, retrouvez tous vos artistes préférés en live. Vivacité en concert avec Bruno Tumers. Vous avez manqué le match des Diables Rouges ? Pas de stress, ayez le bon réflexe et regardez le match quand vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Ce week-end, Vivacité fête les 350 ans de la ville de Charleroi. Samedi, de 17h à 23h, Alain Simons, Olivier Gillin et Jean-Marc Dessert vous feront vivre en direct les festivités liées à cet anniversaire. Folklore, spectacle, concert. 350 ans, ça se fête. Bon anniversaire les Carolos. La baisse de l'impôt des sociétés s'annonce comme la prochaine mesure phare du gouvernement. Objectif, mettre davantage sur un pied d'égalité grandes entreprises et PME. Mais il faudra trouver de l'argent ailleurs pour compenser le futur manque à gagner pour le budget de l'État. Ce samedi 3 septembre, La Libre vous donne les clés pour comprendre les enjeux de cette importante réforme et vous dit qui devrait en sortir gagnant et perdant. La Libre, faisons vivre l'info. La région de Bruxelles Capitale, Viva Bruxelles et la Une présente la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD, Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. Là, je cours pour ma forme. Un chouette programme organisé par ma commune pour tous ceux qui, comme moi, n'ont jamais couru. On se réunit chaque semaine avec un animateur. Après 3 mois, on est capable de courir 5 km et même plus. Renseignez-vous vite auprès de votre commune ou sur le site jecourspourmaforme.com. Une initiative du magazine Zatopec avec le soutien de Vivacité. Comment bien manger ? Quand une partie de votre budget est déjà passée dans la rentrée des classes. En profitant de la promo Deleuze sur les blancs de poulet, les enfants en raffolent. Jusqu'à mercredi chez Deleuze, à l'achat d'un ravier de 900 grammes, le second est gratuit. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Geneviève Forêt, je vais mettre votre site internet sur la page Facebook de l'émission, puisque votre prochain séminaire de groupe sur le lâcher prise aura lieu le 9 octobre. Mais comme c'est pratiquement plein, vous remettez le couvert le 20 novembre. Tout à fait, le 20 novembre à mai. Comme ça, les personnes pourront prendre leurs renseignements par rapport à ça. Alors, je vois des messages que nous recevons. Écrire des choses, Sylvie, que je pensais avoir déjà dépassées, mais qui apprennent... mais qui apparemment me freinait encore. Donc c'est quelqu'un qui a pu écrire aussi des choses. Écrire et brûler m'a beaucoup aidé. Aussi écrit sur cette lettre, sur cette relation où personne m'a appris sur moi. Oui, enfin, ouais. Elle a écrit, je ne comprends pas très bien la fin, mais donc elle a écrit, elle a brûlé, ça l'a beaucoup aidé. Il y a ce papier que l'on brûle, il y a ces cailloux aussi qu'on jette et qu'on regarde couler. Oui, c'est un truc que j'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps et ça a bien fonctionné pour moi, donc je le prescris souvent aux gens qui viennent me voir. Franchement, vous pouvez tester. Hein. Vous prenez un caillou, moi je suis une collectionneuse de galets, donc j'en ai toujours plein à la maison, et vous écrivez dessus quelque chose qui vous perturbe. Croyance limitante, par exemple, je n'arriverai jamais à passer passer mon permis de conduire. Ouais. Hein. Ou alors, je viens d'avoir quelqu'un, c'était l'idée du couple qui n'était pas bonne. Donc le couple, c'est égal souffrance. Hein. Mmh. Vous écrivez un truc comme ça sur le galet, comment ? Avec un marqueur indélébile, tout simplement. Il y en a d'autres qui l'ont fait sur du bois, mais alors vous lestez le bois. Hein, donc vous pouvez prendre une branche, vous gravez, vous écrivez, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas il faut mettre vos mots dessus. Et puis vous allez dans un endroit calme où il y a de l'eau, au bord d'une rivière. C'est pour ça que je demande toujours de prendre des matériaux naturels, bien entendu, hein, on ne va pas commencer à polluer. Et vous jetez en fait cette croyance limitante, cet événement douloureux, la chose qui vous fait vraiment souffrir, vous la jetez au loin et vous la regardez couler. Encore une fois, je ne fais pas appel à l'univers, à Dieu, à toute puissance qui pourrait être autour de nous. C'est simplement concret. Le pouvoir de la visualisation. Là, vous vous débarrassez d'un poids. Ou d'une énergie néfaste, quoi, de toute façon. Tout à fait. Quelque chose qui vous fait du mal et vous lui dites au revoir. Et franchement, encore une fois, je peux vous dire que ça fonctionne du tonnerre. Ça fait du bien. En tout cas, ça ne fait pas du mal. Non, ça fait ça ne peut faire que du bien. Voilà. Même si c'est un tout petit peu, parce que vous êtes un peu bloqué par rapport à une technique comme celle-là, peut-être que la deuxième fois, voire la troisième fois, ça vous fera encore meilleur. Cédric, bonjour. Bienvenue, Cédric. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Vous ne pratiquez pas le rituel des galets, mais vous pratiquez avec succès la cohérence cardiaque, parce que vous avez entendu qu'on parlait de la respiration abdominale. Exact, oui. C'est assez bluffant, c'est-à-dire C'est une technique que l'on m'a apprise dans une formation à laquelle j'ai eu droit dans mon entreprise, qui était la gestion du stress. Et ça consiste à prendre un certain rythme de respiration pour qu'il soit synchronisé avec vos battements de cœur. Donc dans un premier temps, le cœur va battre un peu plus lentement et vous allez pouvoir respirer non pas à chaque battement de cœur, mais tous les 4 ou tous les 5 battements de cœur. Et c'est vraiment un relâchement complet d'idées, dans la sensibilité, dans la manière de voir les choses pendant le temps où vous pratiquez cette cohérence cardiaque. C'est même très reposant. En plus de pouvoir lâcher prise par rapport à certaines choses auxquelles vous pensez à un certain moment. C'est super. Oui. Oui, et donc la personne qui nous a fait cette formation-là avait un appareil un peu spécial de physio, qui permettait de vérifier si vous étiez bien en cohérence cardiaque. Et donc, les personnes qui font du sport y arrivent plus facilement, et les personnes qui n'en font pas doivent s'entraîner un petit peu parce que ça demande un tout petit peu d'entraînement dans le calme et dans le silence pour commencer. Et puis, je vous dis, après 2-3 mois, j'avais la chance de l'obtenir dans le calme et dans le silence, de l'obtenir tout de suite. Mais même quand vous êtes arrêté un feu rouge, si vous avez envie de le faire pendant une trentaine, une quarantaine de secondes, c'est tout à fait possible en s'entraînant un petit peu. Voilà, c'est quelque chose de très de physique qui vous arrive vraiment. Donc, y croire ou ne pas y croire, c'est pas la question. Ça fonctionne parce que le cœur s'adapte à votre respiration. Oui, exactement. C'est de la méditation, en fait. C'est peut-être proche de ça aussi. Oui. C'est de la méditation. Et la respiration abdominale, pareil. À partir du moment où vous vous concentrez sur vos propres perceptions, vous êtes dans la méditation. Pour la cohérence cardiaque, on peut aller voir sur YouTube, il y a des musiques, en fait, avec des battements de cœur, 60 battements de cœur par minute. Donc, vous avez un rythme comme ça de basse et vous apprenez à respirer et à contrôler effectivement vos battements de cœur. Mais c'est clairement de la méditation. Ça, c'est du tout nickel pour le lâcher prise. Merci, Cédric, nous avoir parlé de la cohérence cardiaque proche de la respiration abdominale. Ça demande de l'entraînement, on l'a bien compris, pour pouvoir le faire en toutes circonstances, mais ça prend, et vous l'avez appris dans le cadre de votre travail en plus. La gestion du stress, c'est très très proche. 070-23-33-23 SMS 30-63, 50 centimes par message. Et vous, quel est peut-être votre rituel à vous, rien qu'à vous, que vous mettez en place quand vous souhaitez souffler un bon coup? This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me, you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You said Prise. Je vois des messages, un message qui n'est pas signé. Rien que vous écoutez me détend, super, et me fait lâcher prise. Joli. Oui, Walter mignon. Nous dit mon rituel aussi, Sylvie, pour être bien, consiste à vous écouter. Ben voilà. N'oubliez pas que vous pourrez vivre cette émission en direct et voir les coulisses de l'émission. Les coulisses le 30 septembre à Mons, le 9 octobre à Liège, puisque nous organisons deux grandes journées, soirées de conférences et d'ateliers. Donc vraiment, ce que vous entendez en émission, vous pourrez le vivre en direct avec des invités. En plus, que je recevrai lundi Nathalie Van Kraaienest et mardi Julia Arcoulin, dont vous pourrez poser toutes vos questions. Voilà, sur oui, mais comment ça se passe, Sylvie? Genre, est-ce qu'on doit prendre congé? Bah oui, pour le 30 septembre, c'est mieux parce que c'est un vendredi. Et comme on vous invite toute la journée, au prix de 48 €, c'est quand même mieux pour qu'il faut. Bah voilà, il faut prendre congé. Par contre, le jeudi 6 octobre, ce sera le soir, mais l'émission, si vous voulez assister à l'émission directe, ce sera de 13h à 15h. Donc, n'oubliez pas, envoyez-nous un SMS 3063 ou un mail. C'est plus facile. Comme ça, vous l'envoyez à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je peux vous répondre aussi à n'importe quel moment. La vie du bon côté, en un mot, sans accent. @rtbf.be via la page Facebook, vous me laissez aussi un petit message et je vous envoie le programme du 30 septembre à Mons, du 6 octobre à Liège pour vivre encore une fois les coulisses de l'émission, mais surtout aussi être coaché en direct par un de mes invités et être restauré grâce à la PAC-W. Je peux vous assurer qu'on a mis les petits plats dans les grands et que ce ne sera pas de la piquette qu'on va vous offrir. C'est vraiment du tout bon, du tout bon, du tout bon. Je peux vous dire qu'il y aura des bulles. Voilà. Oh, eh oui, oui, il y aura des bulles. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Autant faire carrément les choses. Des bulles. Autant faire les choses bien. Dans quelques instants, c'est Maryse qui s'exprime à propos du lâcher prise. Si j'ai bien compris, vous voulez que je pose du parquet sur la Grand Place de Bruxelles. Voilà, c'est ça. Et sur le piétonnier aussi. Ah bah oui. Eh ben ça marche, pas de problème. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 € par mois, avec extension de 5 ans de garantie offerte. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. C'était top, les vacances. Oui, mais c'est la rentrée chez Espace Mode. Et ça, c'est super top. Hommes, femmes ou enfants, découvrez les nouvelles collections des marques les plus tendances. Participez à notre concours Back to School et tentez de gagner des shootings photos et des chèques cadeaux enfants. Conditions sur notre page Facebook. Espace Mode sera ouvert dimanche 4 septembre de 10h à 17h. Espace Mode à Perouet et à Genneval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Encore un soir. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le tip-top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. Bon après-midi à tous. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Avec Geneviève Forêt, comme la forêt, sans chapeau sur le E. Voilà, oui, mais malgré tout comme la forêt. Mais malgré tout comme la forêt. Vous vous sentez proche de la nature ? Ah, tout à fait, oui. Bien. Geneviève, je mets votre site internet à l'instant, oui. Voilà, puisque nous vous aidons, nous aidons les auditeurs grâce à votre présence ici dans nos studios à lâcher prise et à peut-être avoir leur propre rituel pour cela. La technique du papillon sur l'épaule. Mais voilà encore quelque chose de nature. Bonjour Maryse. Bonjour Sylvie. C'est chouette ça. Bonjour à tous. Bonjour. C'est quoi cette technique, ce rituel ? Eh bien, c'est de pouvoir s'imaginer qu'on est le papillon sur l'épaule, c'est-à-dire qu'on est plutôt l'observatrice de la situation stressante ou la situation qui nous fait beaucoup de mal. On prend du recul. Et comme ça, on se désolidarise de la grosse émotion et on se met en observateur. Et du coup, on peut vraiment analyser un petit peu ce qui se passe au niveau corporel et se mettre en dehors, donc déjà être moins impacté et avoir plus de distance, de réflexion et pouvoir poursuivre justement en prenant le bon côté de la situation. Et en même temps, ça peut pouvoir dire aussi qu'on n'est jamais seul. On est sa meilleure amie. Ah, bien, oui, très bien. Voilà, on n'est jamais seul, on a toujours quelqu'un qui est vraiment solidaire à 100% dans toutes les situations, quelqu'un qui est là pour accueillir avec vous le souci, pour vous réconforter, et voilà, stop à la solitude. Tout ça, c'est bien dit, Maryse. Mais dans le réel, dans le concret, est-ce que vous y arrivez ? Est-ce que pas ça toujours, vous... Ah, mais vous essayez. Essayer. Oui, c'est ça, oui vous on essayez. Peut moins essayer, évidemment. C'est plus facile certains jours ou pour certaines situations. Mais ça vaut la peine de garder ça dans un petit coin de la tête et d'essayer de se dire, allez, où est mon papillon ? Je viens le poser sur l'épaule, il est joli, il est léger. Et il peut m'aider à sortir de la situation stressante. Oui, vraiment prendre du recul, hein. C'est important. Prendre du recul, voilà. Oui. À partir du moment où on est en dehors, on peut déjà trouver les choses moins graves, y mettre de l'humour éventuellement, et voilà, on peut avancer comme ça plus facilement. Et puis on regarde s'envoler le joli papillon. Oui, voilà. Très romantique. Oui, c'est joli. Voilà. Mais c'est plein de douceur, oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. Bon, on est encore clairement dans des techniques de méditation et de visualisation. D'ailleurs, les grands sportifs le savent très bien. Pour arriver à quelque chose, c'est vrai que de se décorporer un petit peu, c'est-à-dire que de se projeter dans quelque chose de positif, s'imaginer en train de réussir une course, c'est vraiment quelque chose de très utile. Et là, ce que Maryse nous dit, c'est vraiment regarder le problème avec l'œil du caméraman. Caméraman, en fait. Oui, c'est vrai. C'est en vrai, gestion c'est de conflit, je le préconise beaucoup, moi. Quand vous ne savez pas comment sortir du conflit, mettez-vous à la place d'un caméraman, imaginez que vous visualisez la scène et vous allez trouver sans doute plus facilement les outils pour résoudre le problème en question. Merci Maryse de nous avoir parlé de ça. Je vais retenir le papillon sur l'épaule. Oui. Je m'imagine dans une soirée où vous sentez qu'une pression monte, vous regardez votre épaule, vous dites « qu'est-ce que je regarde ?» Le papillon sur mon épaule. Voilà. Oui, ça va faire bon genre, ça va être bien. Oh, j'ai un papillon. Ou alors, oui, dire avec beaucoup d'humour par rapport à la personne en face de vous. Oh, regarde le joli papillon sur son épaule. Oui. Tu devrais t'en inspirer. Oui, oui, oui, ça peut être une belle technique aussi. Oui. Voilà, ça ne fera rire que nous, mais enfin, c'est déjà ça. Au moins, il y en a un qui rit dans l'affaire. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous souhaitez vous aussi nous parler de votre technique à vous. Ainsi Jean-Jacques Goldman, en y réfléchissant. Mets du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Levé sans réveil avec le soleil, sans bruit, sans angoisse, La journée se passe, repasse ses poussières. Y'a toujours à faire, repas solitaire. En point de repère, la maison si nette, qu'elle en est suspecte. Comme tous ces endroits où l'on ne vit pas, les êtres ont cédé, perdu la bagarre. Les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse ne la change pas. Les vivants se fanent, mais les ombres pas. Tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi. D'hiver en automne, ni fièvre, ni froid. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration. Ça fait bien loin que personne la touche. Des mois, des années, sans personne à aimer. Et jour après jour, l'oubli de l'amour. Ses rêves et désirs, si sages et possibles. Sans cri, sans délire, sans inadmissible. Sur 10 ou 20 pages de photos banales. Bilan sans mystère, d'années sans lumière. C'est vraiment une chanson qui a vraiment du sens dans l'émission d'aujourd'hui. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. C'est son rituel à elle, mais derrière ça, il y a une vie par procuration. Là, il n'y a rien de pire que de conditionner notre propre bonheur à l'attitude des autres. Mmh. Donc, je serais heureuse si mon enfant réussit à l'école, je serais heureuse si j'ai une augmentation, je serais heureuse si mon mari agit de telle ou telle manière. Étant donné qu'on n'a pas de réel prix sur le comportement des autres, sur les événements de la vie parfois, on ne sera jamais heureux. Arrêtons d'attendre des autres et agissons nous-mêmes. Ça, c'est le bon plan. Message qui n'est pas signé. Avant Sylvie, je vivais ou dans le passé ou dans le futur et rien n'avançait comme je le voulais. Et puis j'ai eu un déclic et j'ai compris qu'il n'y a que maintenant que je peux agir. Et depuis, je suis beaucoup moins stressée et chaque jour, je me demande ce que je peux concrètement faire pour aller vers mes objectifs. Fabuleux. Bien, bon message, on essaie d'appeler la personne, elle travaille. Donc voilà, comme je dis souvent, chaque jour est une vie. Donc quand on me demande ce que j'ai fait hier, ou avant, encore pire, avant-hier, je dis, ça fait deux vies, quoi, que tu me demandes. Je sais plus, je sais pas du tout, alors là, pas du tout. Céline, dans quelques instants, s'exprime, elle a des choses aussi à nous dire par rapport à ça. Ce qu'elle fait, elle est un peu pretty woman, vous allez voir. Oui, le fait de lâcher prise pour elle, c'est se la jouer un peu starlette. Mais avec infiniment de simplicité. Enfin, voilà, c'est Céline qui nous exprimera ça dans un instant. Salut, c'est Marion. Salut, c'est Julien. C'est Stéphane. Et vous êtes bruxellois sans doute? Ou non, peut-être. En tout cas, on a rendez-vous. Un grand rendez-vous. Non, un gros rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous. BXXL. Le lundi soir, BXXL, c'est tout moi, c'est tout toi. C'est tout Bruxelles. De 20h à 21h sur Viva Bruxelles. Télé sur la Une. Pour la rentrée de lieux interdits, je vous emmène à bord d'un immense paquebot. Comment s'organise la vie de ce palace flottant? À quoi doit-on le succès des centres de loisirs? Et Dubaï l'extravagante parviendra-t-elle à devenir la première destination touristique au monde? Julie Morel vous ouvre les portes des lieux interdits ce vendredi soir sur la Une. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel. Hola, c'est Paula de la Negra Albina. Venez le samedi 3 de septembre nous rejoindre à Perruet pour faire la fête lors des beaux vélos de Ravel. Nous partagerons la scène avec les Charlots. Hasta pronto. Le Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel, ce samedi 3 septembre à Perruet. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Le beau vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Perruet comme si vous y aviez participé avec les initiations sportives de l'ADEPS, les produits du terroir mitonnés par Laurent Martin et des milliers de beaux héros pédalant dans la roue de Sarah de Padua sous le soleil du Brabant Wallon. Ce dimanche après-midi sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vivacité. 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Geneviève Forêt, allez l'écouter, allez participer à son séminaire de groupe parce qu'elle donne beaucoup. Ah, je trouve que vous avez une énergie, une bonne énergie Geneviève, je me sens bien votre compagnie. Oh mais dites donc, ah, quel compliment. C'est vrai. Ah, j'adore, merci beaucoup. Ça je ne vais pas vous le dire hors antenne, je vais le dire devant tout le monde. Ah, voilà. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, c'est du win-win, merci beaucoup. Eh bien c'est vrai, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais voilà, on a peut-être des choses à vivre ensemble. Bon, on instaure aujourd'hui des rites pour faciliter le lâcher-prise. Voilà, inventons des célébrations, dites-vous, inventons des choses comme ça. Il y a peut-être, et on dit ça, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent en disant oh, quelle célébration. Et finalement, les gens célèbrent, entre guillemets, sans s'en rendre compte. Les gens ont sans doute des rituels sans s'en rendre compte. Oui, mais tout à fait. Et puis, repenser aux vendanges, aux moissons, tous ces moments où on faisait la fête pour célébrer quelque chose, ouais. Hein, clairement. Et il ne faut pas qu'on perde ça. Il ne faut pas qu'on perde. C'est vraiment important. Les fêtes de village, hein, généralement, on célébrait la fin de l'été ou le début de l'été. Il y a toujours, tous les jours, il y a quelque chose à célébrer. Donc, vous pouvez créer vous-même voilà, la reprise de l'école. Ouais, hein, on a la rentrée scolaire. Ce week-end, célébrez-la. Faites un repas sympa, un repas pizza pâte pour faire plaisir à vos enfants. Passez du statut de l'été oisif au statut d'écolier qui va bosser. Ça va vraiment aider. En leur disant, consciemment, on célèbre ta rentrée scolaire. Exactement. C'est parce ça. Que, oui, parce qu'on peut célébrer quelque chose de nouveau et de très positif. Ouais. Il va aller apprendre plein de trucs. C'est vraiment l'aider à aller de l'avant. Ouais, c'est génial quand même pour un enfant d'entendre ça. Parce que c'est vrai qu'on entend tellement finalement des choses négatives en disant, ah, tu vas devoir bosser. Mm-hmm. C'est fini les vacances, rien que ça. Fini les vacances. Oh, oui. Quel stress. Fini les vacances. Ouais. Ça, j'ai lu beaucoup. Oui. Cette semaine, j'ai lu beaucoup. Les profs, oh là là, c'est terminé, les vacances, on reprend. Et je leur dis, oui, mais attendez, vous reprenez jusqu'au prochain, donc vous préparez les prochaines. Oui, c'est ça, l'importance, en effet, qu'on met dans le mot vacances, et quand on dit fini, oh, et voilà, et pour un enfant, un tout petit, c'est extrêmement compliqué. Important. C'est extrêmement important. Céline, bonjour. Bonjour. Céline. Niveau vacances, ma fille, c'est tous les week-ends, le samedi, le dimanche, ce sont les petites vacances. Ah, oh, c'est chouette, c'est génial de dire ça. Moi, quelques heures de vacances... Par une semaine, ça me va aussi, même par jour. Parfois, je me prends une heure de vacances en rentrant chez moi. Mais vous aussi, Céline. Vous aussi, parce que vous allez dans votre salle de bain, vous faites couler un bain chaud, vous allumez des bougies. Oh oui. Céline. Je mets de la mousse d'un produit que je ne citerai pas, ça commence par M. C'est des anciens produits. En 5 lettres. Ça mousse très très fort et sans savon. Je ne sais pas exactement, mais enfin, rose, pain et lavande dans ce produit-là. Ah oui, voilà. Je crois que je vois. Oui, ça oui. Mousse très très bien et c'est des anciens produits du quand j'étais même gamine. Quoi. Mm-hmm. Ça, c'est un rituel, une madeleine de voilà. Proust. Parce que quelque part, voilà, c'est le rituel. Avec une mousse au chocolat maison et un verre de vin rouge. Dans quand votre la bain. Foie est couchée, dans votre mon bain. Oui. Comme ça, je lâche tout et voilà, c'est un moment à moi toute seule. C'est génial. Oui. C'est génial. C'est ce que j'appelle le bain Pretty Woman. Je c'est un peu ça, hein, Céline. Oui, j'ai entendu. Oui, tout à fait, c'est très chouette. Et vous vous faites du bien. Et vous faites ça régulièrement ou alors à des moments particuliers? Quand j'en ai vraiment marre que la soupape va lâcher. Ah, mais quel bon plan, bravo. Bravo, vous vous connaissez bien. Qu'est-ce qui vous fait partir de votre bain? L'eau qui refroidit, d'accord, mais vous remet de la chaude. Qu'est-ce qui vous fait? Non, ce qui me fait sortir de mon bain, c'est maman. J'ai fait un mauvais rêve. Mais là, vous dites les choses, vous exprimez, vous, c'est très bien. Donc voilà. Vaut mieux après le verre de vin qu'après la mousse au chocolat, hein, comme ça. Retour à la réalité. Non, mais c'est chouette. Mais encore une fois, je le disais, Geneviève, je vous le disais, c'est des rituels finalement que les gens ont. Sans s'en rendre compte. Ça, c'est un rituel, quoi. Bien entendu. Bien moi, entendu. La douche le matin, c'est mon moment à moi, quoi. Oui, c'est vraiment, j'adore ça. Rien que quand vous rentrez du boulot et que vous enlevez vos chaussures, quoi. Vous, en fait, vous passez du statut de la personne avec son costume professionnel à la personne en petites vacances. Absolument. Et voilà. C'est un état d'esprit, les vacances. En effet, en de petites vacances, on peut très bien s'octroyer une heure de vacances par jour. Alors on va dire, ah oui, mais non, et surtout en ce moment, quoi. Ah oui, fabuleux. Hier, on a pique-niqué dans le jardin avec les enfants. Hier soir, voilà, c'est, on a étalé la couverture et voilà, on a pique-niqué, quoi. Hier soir, c'était super, quoi. Ah oui, jour de la rentrée scolaire, allez, on pique-nique, et voilà. C'était un peu notre rituel à nous aussi. 070 23 33 23. SMS 30 63. Si vous souhaitez encore nous apporter un ou l'autre rituel, allez, c'est génial d'entendre ça et j'espère encore une fois que vous allez vous en inspirer pour ce week-end, pour vivre un peu ce premier week-end de la rentrée. Et rentrée, ça veut dire grand-chose. Hein. Et puis, avec l'actualité qu'il y a en ce moment, évidemment, bien entendu, on est tous un peu solidaires. Donc voilà, on déstresse, on lâche prise. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. After six shots of De Leon. You know that girl really turned me on. So the morning. Seb, ça aussi on en a parlé hors antenne, Geneviève, vous et moi, écouter de la musique, ça c'est un rituel très fort aussi. Hein, et chanter. Oui. Chanter et alors danser comme un déjanté, quoi. Vraiment faire sortir toute l'énergie qu'on a en nous, c'est vraiment du tout nickel pour être bien après et lâcher prise. Voilà, c'est surtout ça dont on parle depuis 13h. C'est Christiane dans quelques instants qui viendra elle aussi nous parler du sien. Voilà, rituel un peu plus littéraire, mais on ne l'oublie pas celui-là, Christiane, je suis tellement à présenter les livres très souvent dans l'émission, donc on vous écoute dans un instant. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras, avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 6 septembre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Vous avez manqué le match des Diables Rouges ? Pas de stress, ayez le bon réflexe et regardez le match quand vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Viva Bruxelles présente les croisières guidées de Brussels by Water. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir nos voies d'eau de la manière qui vous plaît. Courte croisière jusqu'à Anvers ou croisière apéro en soirée, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas vous déplacer en bateau avec le Waterbus ? Info brusselsbywater.be. Encore un choix. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le tip-top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. Vivacité. La vie du bon côté. J'aime vraiment bien mon nouveau générique. Je trouve qu'il est pêche. Oui, il est très pétillant. J'aime bien. Oui. Très pétillant, en effet. Bon, Nathalie nous dit, Sylvie, ça n'a rien à voir avec le thème. Gros bouchon sur l'autoroute tournée Moucron dû aux travaux. Il faut lâcher prise. Ah, tout à fait. Dit Nathalie. Oui. Elle est dedans, on va dire. Céline, elle parle de vous. Elle dit, super émission. Geneviève est une belle personne. Elle gagne à être connue. Elle m'aide à lâcher prise et je le remercie. C'est Céline. Dis donc, franchement, là, je crois que je vais passer tout mon week-end. Merci super. Beaucoup. Super. Céline nous dit, le rituel de rentrée scolaire. Nous, on prend une photo à chaque rentrée scolaire, Sylvie, histoire de marquer le coup. Sinon, tous les matins, je m'accorde aussi 30 minutes pour répéter mon tai chi et prendre mon café au calme avant de réveiller le gamin. C'est vrai, c'est une façon aussi. Oui. C'est un petit rituel bien à soi, comme l'a dit notre auditrice il y a quelques instants, qui prend un bain de Pretty Woman. Ah, bain Pretty Woman, c'est génial. Christiane, bonjour, bienvenue, Christiane. Bonjour. Des préceptes que vous lisez tous les jours, c'est votre rituel à vous. Oui, c'est-à-dire que je récite des préceptes qui peuvent être différents, mais en règle générale, la base, c'est toujours les mêmes choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis calme et je suis sereine, etc. Aujourd'hui, voilà, je suis aimable avec mes collègues de bureau. Enfin, vous voyez, ce sont des petites choses comme ça. Aujourd'hui, je ne me dispute pas. Et je vais dire que dans ces préceptes, un élément qui est très important pour moi, c'est d'accepter ce qui est arrivé et de ne pas s'en vouloir parce que quelque chose de négatif est arrivé et de dire, voilà, c'est arrivé. Eh bien, maintenant, on tourne la page et à partir de maintenant, ça va être autrement. Voilà, ça, c'est un peu ma manière de faire pour lâcher prise et réussir après. Donc, des mantras. Et c'est vous-même qui les rédigez, en fait, ces petites phrases ? Oui. Très chouette. C'est bien. Un tout petit conseil, essayez de les formuler de manière positive, parce que les études scientifiques montrent que quand on emploie des formulations négatives dans une phrase, notre cerveau a tendance ne pas percevoir les négations. Donc, je ne prendrai plus de poids. Ça va être le contraire. Donc, formuler les choses d'une manière positive. Et on dit même pas, je perdre du poids, c'est négatif aussi. Tout à fait. Gagner en minceur. Éliminer parfois des choses. Mais essayer en tout cas de formuler de manière positive pour que ce soit encore plus positif que ce que vous faites. Ce sont des petits mots en train. C'est un très très joli rituel. Bravo. Ouais. Oui. Moi j'en ai un aussi. Tiens, ça me vient en tête. Canuzel m'avait parlé. Elle vient souvent chez nous. Elle est sophrologue. Elle me disait aussi de remplir d'eau des petits verres en plastique le soir, gros du robinet, mettre un truc en dessous, positif toujours. Oui. Donc pas dire je veux plus ça ou je veux plus ça. Non, c'est gagner en sympathie avec telle personne. Mmh. Gagner, voyez. Et elle dit, tu laisses l'eau la nuit, et le matin, tu vides l'eau, tu le remplis à nouveau. Et le soir, tu vides l'eau et tu remplis à nouveau. Chaque soir, chaque matin, vider, remplir. C'est de l'énergie qui part. Elle disait, voilà, c'est de l'énergie qui part. Et c'est une façon aussi de lâcher des choses, quoi. Voilà. Oui, oui, tout à fait. On n'y croit pas, encore une fois. Je crois que c'est même pas une question de croire, en fait. Non. C'est une question de tester des choses qui ne coûtent rien. Non. Absolument. Qui nous font du bien à nous. Voilà, qui nous font du bien. Et c'est faire des expériences qui vont nous permettre, en fait, de mettre en place des stratégies pour aller mieux. Donc c'est du tout nickel. On n'est absolument pas dans l'ésotérique, quoi. Absolument pas. Mmh. Ah non, cette émission n'a rien à voir avec ça. Christiane, vous l'écoutez souvent, elle n'a rien à voir avec ça. Hein. Oh, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Oui, non, pas du tout. Merci en tout cas pour cette émission. Eh ben, rassurez-vous, elle va continuer. Rassurez-moi, on n'est pas du tout, c'est vrai, là-dedans. Merci Geneviève Forêt. Dire que vous serez donc le 20 novembre à Amé, donc c'est les régions liégeoises, pour un séminaire de groupe sur le lâcher prise. Voilà. Et moi, je serai le 6 octobre, parce que je veux pas que les personnes confondent. Oh, le 6 octobre, c'est vraiment une journée, la vie du bon côté, une soirée à Liège, donc c'est vraiment pas loin de chez vous, à Média Cité, la vie du bon côté, qu'on organise une soirée conférence avec Jean-Marc Olson, qui animera un atelier afin d'aider les participants à augmenter le sentiment pour tout un chacun de sérénité. Donc on sera malgré tout un peu là-dedans. Christophe Gautriot, qui lui vous permettra de prendre plus de confiance en vous. Christine Alexandre, elle vous invitera à changer de regard sur vous-même et sur les autres. Et Julie Arcoulin et Nathalie Van Krainest, elles viendront lundi et mardi. Donc on fera vraiment des émissions spéciales par rapport à ça. Elles animeront un atelier qui permettra à chaque participant de croire en son capital de séduction. Voilà, le 30 septembre à Mons, le 6 octobre à Liège. Et vous, c'est à Amé. Tous les renseignements sur votre site internet, ma chère Geneviève. Merci beaucoup. Tout à fait. Mais merci à vous. C'était vraiment très très chouette. Ah, et moi, super. Je repars toute reboostée. Ben, magnifique, alors. C'est l'émission Aller-Retour qui s'ensuit. J'adore le soleil, j'adore comme il nous invite à profiter du jardin. Et j'adore surtout comment mes châssis Bellisol gardent bien dehors le bruit infernal de la tondeuse. Bon après-midi à tous. La journée reste agréable, même s'il y a des voiles nuageux un petit peu plus présents sur l'ouest et le centre du pays, mais des éclaircies qui sont par contre encore bien présentes sur l'extrême sud, notamment. Dans l'ensemble, on attend 19 degrés au littoral, 22 à 23 dans le centre. On pourrait aller jusqu'à 25 dans le sud-est. Demain, peu de changements, ça reste un temps calme. Le littoral aura un petit peu plus de nuages avec une petite averse possible, mais c'est toujours sur le sud-est qu'on aura des éclaircies plus larges. Les températures seront assez semblables à celles d'aujourd'hui. Dimanche, par contre, ce sera le retour de la pluie, arrivée dans la nuit de samedi à dimanche. Le vent se renforce, assez bien de pluie dimanche matin, des éclaircies et des averses dimanche après-midi et des maxima de 17 à très localement 22 degrés. Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre, ne manquez pas le premier anniversaire de votre shopping, les papeteries de Genneval. 3 jours de bonnes affaires et une foule d'animations pour petits et grands. Dimanche, ouverture des commerces jusqu'à 18h. Programme complet sur lespapeteriesdegenneval.be. Les papeteries de Genneval. Votre shopping au fil de la lane. Viva Bruxelles présente. Ça y est, enfin, les plus belles bêtes de l'impro sont de retour à Bruxelles. Venez les observer au bouche à oreille les 1, 2 et 3 septembre. Toutes les infos sur motamo.be. motamo.be. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Vous ne rêvez pas. Vasio Godot offre 21% de remise sur la literie, les box springs, les matelas et les sommiers à lattes. Vous préférez encore dormir dessus? Profitez de cette action de rêve du 1er au 30 septembre. Vasio Godot, Alzenberg, E19, sortie 20. Ouvert également le dimanche.